faudrait pas oublier, oublier de tout ramener. Nuit blanche à enrôler et tout comprendre, rêver. Quand est-ce qu'on boit et quand est-ce qu'on voit pupilles arrondies par ce tas. Il faut se lever sans ricaner, ces quelques pas te feront penser. Sex and drug and rock and roll and heroin and cocaine avec le divine. Oh le divine, le divine, oh le divine. C'est quelque part pour me rappeler, c'est quelques nuits à oublier. Faudrait pas m'oublier, oublier de me ramener après la nuit qui vient de tomber. C'est l'embrouille dans mes idées. Il faut que je bois et tu pars de là. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire ce soir? C'est quelque part pour me rappeler de ces quelques nuits à oublier. Oh le divine, le divine, oh le divine. C'est quelque part pour me rappeler ces quelques nuits à oublier avec le divine. Oh le divine, le divine, oh le divine. Encore une nuit blanche à effacer, encore une nuit blanche à oublier. Je me suis déjà effondré, j'ai même quasi tout oublié. De ces dédales à provoquer, de ces icares à rattraper, de ces nuits blanches, il ne me reste plus rien. Plus qu'un putain de souvenir en déclin. Il faut que je me calme et continuer à tracer ma route comme un damné. Sans lui divine, sans lui divine, sans lui divine. Sex and rock and roll and heroin and cocaine avec divine.